En fait, c'est... Vu attends, mais là, tu respires pas, alors, du coup. Non, mais... Waouh, tellement d'organisation, tellement de bonnes choses. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bonne Franquette. Si je ne m'abuse, c'est le 20e. Et j'aimerais d'ores et déjà qu'on applaudisse, s'il vous plaît. C'est bon, on a fait notre sport. C'est bon, super. Exact. Qui dit sport dit nouvel invité. Il y a de plus en plus de poils à chaque épisode sur ce micro, c'est terrible. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Qui es-tu, d'où viens-tu et pourquoi je t'ai cité en rapport au sport? Alors, je m'appelle Marie, j'ai 19 ans et écoutez, ça va très bien, j'espère que vous aussi. Ça va nickel. Et pourquoi il m'a cité dans sa phrase par rapport au sport? Exact. C'est parce que je fais de l'haltérophilie à haut niveau, on peut le dire. Tout de suite, ça se vante, hein, bien évidemment. Championnat d'Europe. Non, mais ce que je veux dire... On peut dire championnat d'Europe. Si vous avez regardé l'épisode avec Alexia, on en parle, je crois, à la fin. Sauf qu'on name drop pas ton nom de famille. Une petite dédicace. Et non, mais bon, ça tu le sais, puisque tu l'as regardé, bien évidemment. Alors, on a une des meilleures athlètes de France et on l'accueille en plus dans le meilleur podcast de l'univers. Ouais, on a que l'élite à la table en fait. Salut l'élite, comme dirait ce bon El Pueblo qui est mort probablement depuis le temps maintenant. Bah oui, c'était une référence vidéo à El Pueblo ou pas? Pas du tout. Non? Ah. Ok, c'est une référence à quoi? Juste à l'élite? Ah, juste comme ça. Grâce à l'Empire romain. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais pas. Nous avons un nouveau jeu aujourd'hui. C'est moi qui m'en occupe. Attends, mais moi j'aurais juste aimé savoir qui a été le jury de cette semaine pour désigner le podcast le meilleur de l'univers. Le jury? Ouais. Mais je crois que tu le sais, le jury. Le jury, c'est Arnold Schwarzenegger. Oui. Franchement, en plus, tout seul. Ouais, tout c'est seul. Juste lui, ses gros bras, ça compte pour deux autres personnes, voilà, hein, donc clairement. Mais c'est fou qu'il ne parle pas français, mais qu'il ait quand même choisi notre podcast. Attends, il ne parle pas français? Tous les films que j'ai vus avec lui, il parle français. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, il parle français, mon pote. Hein. Ouais, t'as raison. Bien. Donc, nous parlons de rap ou pas rap. Et d'ailleurs, ça ne sera pas un rap du tout. Aujourd'hui, c'est record insolite de muscu ou pas record insolite de muscu. Voilà. Oh. Car aujourd'hui, nous sommes dans un épisode qui parle de sport, qui parle de performance, qui parle de dépassement de soi. Et du coup, j'ai des choses à vous dire et vous devez me dire si c'est vrai ou pas. Ok. Ce sont des records mondiaux. Et on va commencer donc par un épisode spécial car c'est l'anniversaire du rap ou pas rap. Effectivement, hein, c'est l'anniversaire de L'anniversaire. Alors là, on est à du concept. Je pense qu'on peut réapplaudir. Ouais, on peut réapplaudir. Bravo. Super. Le rap ou pas rap. Nice. Toujours excellent. Toujours excellent. Ça pourrait être la bonne catchline du podcast. Toujours excellent. Toujours excellent. Bien. Alors. Est-ce qu'il y a un système de points ou c'est par manche ou... Alors, c'est quoi qu'il arrive, pingouin. Tout le monde gagne en fait. Ah de ouais. Par manche de pingouin. Manche de pingouin, yes. Alors, ah wow. je t'enlève 1 milliard de points. Je n'avais pas dit que ce podcast était beauf. Est-ce qu'une boxeuse du club de Saint-Marie-du-Parc a tenu 8h30 en chaise? Oui. Oui, c'est le cas. C'est vrai. Mais en fait, c'est complètement con comme truc parce que c'est tellement précis. Oui. Je peux pas l'inventer. En le disant, je me suis dit. Non, mais okay. Saint-Marie-du-Parc. Ouais. Alors, je sais pas où c'est. Ça doit être à Paris, j'imagine, puisque c'est là que tout se passe. Mais en vrai, je me suis dit, c'est tellement précis que c'est sûr, c'est vrai. Ouais. Et en plus, j'avais déjà entendu qu'une femme avait fait ça à la chaise pendant 8h et quelques. Donc... Alors, ouais. Par contre, elle est allée jusqu'au bout des 12h. C'est son record personnel, mais il faudra qu'elle recommence parce que. C'était juste une préinscription, il n'y avait pas les juges, donc en gros ça compte pour du beurre. Hein, super. Donc, bon courage. Bon courage, Charlotte. Rest in Charlotte. Peace. Du coup, bon, c'était la manche d'échauffement, on va dire. Là, ouais. Je vais vous donner plusieurs réponses et vous devez me dire laquelle est la vraie. En Tchétchénie, un enfant de 5 ans a fait un très certain nombre de pompes. Il en a fait 3237, 4105, 5231. Les trois sont pas possibles. Alors, pourtant si, en 2h25 minutes. Les 4000, réponse B. 4105, très exactement. Yes. Par le petit Raïm, qui, pour l'honneur, a été gracié, remercié par le président de la Tchétchénie, qui lui a offert une Mercedes de 36 000 $. Quoi ? Et ça, ça fait plaisir. À 5 ans, ça fait plaisir. J'aurais aimé avoir une Mercedes. Il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir la conduire, mais en effet, ça fait plaisir. Une bagnole en plastique, tu sais. C'est pas une Fiat 500 ? Ouh, ça tire à balles réelles sur Marie qui a une Fiat 500, je le rappelle. Mais qui s'en remet, qui s'en remet. Parce qu'on est toujours excellent. D'ailleurs, on n'a même pas mis de timer cette fois. Non, attends, il faut que je regarde là. 5 minutes 35, donc 20 minutes. Vincent, je te laisse mettre 20 minutes. Yes. Ensuite, j'ai une double question. Le record de gainage chez les hommes est de 10 heures 10 minutes 10 secondes. 8 heures 8 minutes 8 secondes ou 7 heures 7 minutes et 7 secondes. Moi je pense 7 que ou c'est 8. Moi j'aurais dit 10. Pourquoi ? Non, pourquoi 7 ou 8 ? Non, je sais pas, je crois que j'avais déjà entendu quelque part. Ouais, c'est vrai que j'avais entendu un truc comme ça aussi. Avec 8, je crois, mais je sais pas. Et pourtant pas c'est si c'est bien 10 heures 10 minutes et 10 secondes. Yes. Bah moi je me suis dit voilà. C'est des hommes, ils sont forts donc ils font le plus quoi. Et ils sont, enfin, bien sûr, ils sont toujours excellents. Comme ce podcast. C'est un homme de 60 ans qui s'appelle George Hood. 60 ans. George Hood, donc littéralement George Cartier, quoi, en gros, ouais. Qui est un ancien Marines qu'il a établi le 18 juin 2018. Et le précédent record était détenu par Mao Wendong, un officier de police chinois qui avait tenu 8 heures et 1 ouais, voilà. minute. Et voilà. La dernière minute. Je suis pas à la page. Ouais, franchement, il aurait pu s'arrêter à 8 heures. 8 heures. Il s'est franchement, dit... Et non, c'est mais comme... tu sais, c'est toujours le truc en plus. Toujours faire un petit peu plus. Ouais, toujours. Mais quand t'es à la pompe et que tu mets de l'essence dans ta voiture, tu veux arriver au chiffre pile. Bah lui, ouais, mais j'y arrive jamais. Lui, il s'est dit, je fais une minute de plus. Mais toi, t'arrives à t'arrêter à la... Non, bah voilà, lui non plus, il a pas réussi à s'arrêter. il a fait, allez, 8 heures. Ah, 8 heures 1. Oh, non. Merde. Et c'est vrai que nous qui tenons quand même 4 minutes, je le rappelle, c'est pas... C'est moins bien. Hein. C'est assez frustrant. Nous allons terminer avec un record de femme. Oh. Qui est dans la même veine, on parle de gainage. Est-ce que ça a duré 5 heures 20 minutes, 4 heures 20 minutes, 6 heures 20 minutes ? Bon, 6 heures. Moi j'aurais dit 5 heures. Eh bien vous avez tous les deux... Faux, puisque c'est 4 heures et 20 minutes. Ah ouais, c'est chaud. Et c'est détenu par une Canadienne du nom de Dana Glowacka. Sympa le nom. À tes souhaits. qu'elle a établi le 18 mai 2018 et c'est une prof de yoga. Et d'ailleurs, Topito nous dit, elle est professeure de yoga, donc elle doit avoir l'habitude. Pour elle, c'est comme faire une sieste. Superbe. Toujours excellent. Toujours Topito. Excellent. Waouh. Après ces bonnes blagues, après ces bons records, c'est quand même fou les records. Je trouve que c'est impressionnant le fait de se dire « Ok, je vais établir un truc dont personne se, dont tout le monde se carre en fait, pour mais le plaisir. » Est-ce que vous aviez... Genre, le livre des records à Noël, oui, comme tout le monde. Tout le monde l'a parce eu, que moi, je ne l'ai jamais eu. Ouais, ouais, ouais. Mais tout le monde l'a mais eu. Mais moi, je ne l'ai jamais eu. C'est vrai ? Non, justement. Ouais, ouais. Et à chaque fois que j'allais chez mon cousin qui, lui, l'avait, je me disais, enfin, et que j'allais dormir chez lui, je le prenais comme lecture du soir, je me disais, oh waouh, c'est trop bien et tout. En même temps, c'était le cadeau des prolétaires, on le rappelle. Ouais, moi, comme j'ai grandi, une cuillère en or dans la bouche. La bourgeoisie qui boit du champagne, d'ailleurs. Exactement. Ça m'énerve. Ah oui. Je sais plus, c'était un vieux son qui passait tout le temps. Ça m'énerve, ça m'énerve, non ? Non, en fait, ouais, c'est sorti à peu près la même période, ouais, mais c'est pas... ouais, ça, c'est ouais. Helmut Fritz, ouais. Ça m'énerve. C'est le mec qui avait une coupe au carré. Ouais, avec ouais, une c'est pas franche, genre Disco, un truc du genre, je sais plus comment elle s'appelle. Beach. Ah, Disco ouais. Beach, c'est ça. C'est bien ça. Joué, Disco oh, Beach. Wow. Disco je Beach. Pas. C'est beau la bourgeoisie qui boit du champagne. Exact. D'ailleurs, c'est beau la bourgeoisie, mais c'est beau le sport surtout. Exact. Marie, tu nous as dit en off quelque chose qui m'a profondément marqué dans mon être intérieur. Ça pète un max dans les compétitions. Et on a envie de savoir pourquoi. Effectivement. Tu fais de l'haltérophilie. Et moi, je fais de l'orthophonie. Okay. Non, tu fais de l'haltérophilie. De l'haltéroflatulence. Oh ouais, non, c'est pas... c'est pour être un nouveau sport de Borderlands, peut-être. Pour être honnête, c'est pas ouf. Comme ça jeu de physique aussi. C'est... ça ouais. Doit être pas mal. Du coup, haltérophilie, haltéroflatulence. Eh bien, écoutez, ça peut arriver que, quelquefois, en remontant la barre... Et voilà. Et une petite détente, quoi. Une petite fuite au niveau de la nuque. Après, on n'avait pas besoin d'autant de détails. Si, elle parle de l'anus, parce qu'elle a enlevé le S pour faire. Voilà, mais on parle de l'anus. On parle bien du cul. Hein. Du trou du cul. Voilà, c'est ça. Voilà. Premier, toujours excellent, toujours beau. Hein, toujours. Censuré sur YouTube aussi. Alors oui, on est premier podcast censuré. Hein. dans tous les pays du monde d'ailleurs. Tout le monde va le signaler, on va le bloquer. Non, mais c'est vrai que c'est un truc que je me suis toujours demandé dans le sens où, en fait, vous soulevez des charges qui sont tellement lourdes que genre tout ton corps est concentré là-dedans. C'est compliqué de tout verrouiller, on va dire. Ah tu bah vois. Ouais. Là, je peux te dire que le sphincter externe, il est bien musclé. Hein. Yes. Ah ouais. Ça fait plaisir. On pense à vous, hein, tous les haltérophiles. Je crois que tu m'avais envoyé une vidéo, Quentin, d'un gars qui soulève une barre en développé couché. Ah oui. Et la barre lui tombe dessus. Et du coup, il tape. Et t'as tous les. Parce qu'il va à la muscu avec ses potes et tout le monde éclate de rire pendant 30 secondes. C'est abusé. En même temps, le pauvre. La barre lui tombe sur Mais va-t-on leur jeter la pierre? C'est naturel. Mais il y en a plein qui se chient dessus. Enfin, j'ai jamais vu en vrai, mais à la télé, des fois, j'ai vu. Vidéo comme ça. Ouais, ils se chient tellement dessus que quand ils poussent, quand ils remontent, ils. Ah ouais, c'est incroyable. Tout sur le plateau, quoi. En tout cas, entre ça et les déchirures musculaires, c'est un beau sport, on peut le dire, qui n'est pas sans risque. Exactement. En plus, ce qui est bien, c'est que t'es vraiment mis en valeur devant tout le monde sur une scène à ce moment-là. Donc, c'est parfait. Sous le feu des projecteurs, tout le monde te regarde. Exact. Tu remontes là-bas, pour un peu camoufler le bruit, tu... Ah ouais, c'est pour ça qu'ils crient, en fait. C'est pour ça que certains crient, à mon avis. Je pense que ça cache quelque chose. Ça camoufle. très bien, très bien. De sombres histoires, hein, les backstage. Ouais. Bye, Bresson. Bye, Bresson. Bye, Bresson, on peut le dire, d'ailleurs, hein, vu la chose. Alors, Vincent. Oui. Nous, on fait de la musculation, on fait du cardio, parce qu'on ne fait pas du tout de l'haltérophilie. La gonflette. Hein. Mais on est d'accord qu'on va parler de tous les sports qu'on a fait. On va parler de tout. J'ai fait... Bah écoute, moi, ouais, ça fait un an que je fais de la muscu. Et j'avais envie de dire un truc par rapport à ça. Alors attention. C'est que mes objectifs... Il a préparé un rap, donc s'il vous plaît, musique. Non, surtout pas. Yo. Ah si. Enlevez votre casque, enlevez vos écouteurs, coupez le son. Marie vient de faire yo, mais je tiens à préciser que c'est quand même à chaque fois qu'il fait un semblant de rap, ça commence comme ça. Donc, yo. On est proche de la réalité. Du coup, que voulais-tu dire? mes objectifs en musculation ont complètement changé depuis que j'ai commencé. Et tout ça parce que je n'évolue plus trop. Du coup, en fait, maintenant, quand quelqu'un me demande mes objectifs, je dis tout de suite. Ah, moi, c'est. Moi, je c'est me maintiens. alors que j'aimerais prendre énormément de masse. Mais tu manges pas assez. Mais ça prend du temps aussi. Ouais. C'est surtout ça. Ça prend du temps. Bah ouais, mais ça fait un c'est, an. Au et début, et... Ça monte pas. C'est... Ouais, ça... Pendant des mois, tu peux galérer. Ouais. Et d'un coup, ça. Mais c'est d'affect. Venu à un moment quand j'étais à Paris. C'est surtout là que j'ai pris pas mal de masse parce qu'avant, j'étais vraiment très, très maigre. Mm. Mais ouais, maintenant. Je sais pas, chez moi j'ai trop la flemme de me faire manger. Mais en ce moment ça va, genre en ce moment je mange beaucoup et beaucoup sain donc c'est cool. Mais faut que je continue. Beaucoup de sain, effectivement. Non, très peu. Car vous avez vu cette personne donc. Pas... Bref. Ça y est, il s'auto-clash. Non, mais en plus, c'est un menteur, c'est un homme à femme. Moi je suis dans les coulisses et je peux vous dire que le sport il en fait pas qu'à la salle de sport, les gars. Alors, du coup, on avait dit que le sport de chambre, ça compte pas. Bien vu. D'ailleurs, je dois dire quand même que, effectivement, l'autre jour, tu m'as envoyé une vidéo, un snap. Je faisais du sport de chambre. Attention. Assez impressionnant. It was a joke. Exactement. Des gens qui, soi-disant, font du sport. S'ils tombent sur cette vidéo, je vais me fermer. C'était clairement un coït habillé. Hein, donc, voilà. C'est du renforcement. Bon, c'est du renforcement. C'est pas du tout de la référence de ce dont quoi vous parlez. Mais... Non, mais moi, on m'a toujours dit que pour atteindre un haut niveau, il fallait travailler le muscle en profondeur. Ouais, j'imagine que c'est ça l'illustration. Tous de les muscles en profondeur. Bien sûr. Évidemment. Pensez à les vendre, hein, ça fait c'est beaucoup important. De chiffres, ça, quand même, ce genre de vidéo. Et toi, Quentin, tu fais de la muscu? Alors, je pratique la musculation. La muscule? Le muscle et galbé, on peut le dire. Ouais, c'est... J'adore tout ce qui est protéines. D'ailleurs, on a quand même Alexia, dédicace à elle, notre invitée d'il y a deux épisodes, qui a dit que avec tes fallait que t'arrêtes la muscu parce qu'avec tes gros muscles tu cachais les invités. J'avoue qu'elle me l'a aussi dit. Hein. Attends, mais est... je l'ai peut-être dit au dernier épisode. On est, je sais plus, tu radotes. Moi, ah, je t'écoute plus. Ouais. non mais en vrai, on est quand même un peu à l'étroit. Et j'ai le problème, c'est que si je me mets là, on ne me voit plus, ou alors je suis là en fait. Non mais ça va vous quoi. Non ça, mais c'est pour le moi, tu veux là, juste la péter en fait. La bonne franquette, le podcast. Au pire, mais les bras le long du corps, pas besoin de galber à chaque seconde. Ah là là, je suis dans un confort absolu. Ça va vous? Moi pas du tout. Ça va toi? Non mais voilà, effectivement. Écoute, je vais faire un effort et je vais c'est prendre quoi un peu maximum de plaisir. C'est quoi un peu ta progression? Parce que au début, t'étais quand même alors, un peu. Moi, peu c'est rondouillé. Simple. J'ai toujours été un enfant un peu rondouillé. Ensuite, j'ai eu Internet et je suis devenu gras, en fait, directement. Il n'y a pas eu de transition. Bam, j'ai pris 20 kilos d'un coup. C'est la chute. Ça, c'est Internet. Hein. Les jeux en ligne. Hashtag Dofus, on le rappelle, hein, toujours. Il m'a volé du temps. et beaucoup de tout, en fait. Ouais. De tout, en fait. Mais c'était quand même de très belles années. J'ai enroulé le truc du micro et juste au lieu de faire ça, j'ai fait... Alors, oui. Non mais en plus d'ailleurs, Dofus Retro est sorti récemment et je dois avouer que j'ai fait 2 heures dessus et ça m'a rappelé énormément de souvenirs, comme quoi l'enfance ça nous marque à tout jamais. Mais du coup, tout simplement la musculation, effectivement j'ai eu cette période, on peut dire, d'IMC controversée. Hein, oui, voilà. IMC controversée, on peut le dire. Et quand je suis arrivé, je crois en première, je me suis dit, je suis un malade, je vais faire 1 heure de cardio tous les jours pendant 1 an en mangeant 2 tranches de pain de mie le midi, voilà. Ce qui m'a fait fondre, hein, littéralement, ça marche bien, ça marche vraiment bien. Mais j'ai diminué mon espérance de vie de moitié, en fait. Donc, est-ce que c'est bah là, vraiment il worse? Il reste quoi, 20 normalement, hein. 2-3 heures, là. Ah ouais? Donc ah. Ouais, si peut-être j'ai le temps de faire le montage, mais c'est pas sûr. Ah ouais, ok, bah on va essayer de faire un effort. Forme-toi à première, parce que ouais, c'est... T'inquiète, ouais, je vais faire ça direct. On me ferait un petit bon hommage posthume. Comme musique à la fin du podcast, là? Ah, je te laisse choisir. Tu mettrais quoi comme musique si je mourrais? Oh, un petit Joule. Un petit Joule? Je le prends excessivement mal. Jean-Claude mais, Van Damme. Alors, je le prends excessivement bien. Ah. Voilà, la même petite essaie de se rattraper. Mais non, t'inquiète, on mettra le podcast en noir et blanc avec des effets de gouttes sur l'écran. Comme ouais, ça. Attends, mais tu serais, une musique ce triste. Serait pas un même genre. Si, il y a un truc là-dessus. Mais pendant tout le podcast. Tu pourrais même genre dire Hello Darkness, ouais, My Friend, My Old Gang, je sais pas quoi, tu vois. Enfin, l'originalité absolue, quoi, exactement. Comme ce tableau. Toujours alors, excellent. Toujours excellent, bien sûr. Non, par contre, si un jour je meurs, merci de faire un montage de Daniel Craig sur Wesh Alors de Jules, ça me rendra hommage. Très largement. J'y penserai. Et du coup, effectivement, après, j'ai fondu de ouf et j'étais. Alors, j'étais pas aussi fin que toi à l'IUT, mais j'étais quand même. J'étais quand même très fin. Bah, en fait, il me ressemblait à peu près aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Et ensuite, j'ai fait de la muscu quand je suis arrivé à Paris. Il y a 3 ou 4 ans maintenant, je sais plus. Il y a 3 ans. Voilà, 3 ans, peut-être 4 ans, je sais plus. En autodidacte et tout, et c'était très bien. J'allais tous les jours au sport. Et c'était ouais, tous les jours. Vraiment cool, ouais. Mais j'ai fait. Alors, je voulais parler d'un truc d'ailleurs, parce que en fait, j'ai perdu énormément. Cette période où j'ai fait 1 heure de cardio par jour, en fait, je l'ai faite grâce à un programme américain qui s'appelle Insanity. Ouais. Oh là là. Donc, ça, c'est connu. Et c'est assez terrible. C'est chaud. Si jamais vous avez des envies suicidaires, ne le faites pas, car vous allez passer à l'acte. Mais c'est vrai, ça marche de ouf. Mais par contre, il faut vraiment, vraiment être déter. Mais par exemple, si moi je le fais, tu disparais. Disparais. Ouais. Genre d'un coup. Bah, la dernière fois qu'on a fait du cardio, t'as commencé à clignoter. Donc je me suis dit, reste avec nous, reste avec nous. J'étais à 1 kilocalorie de mourir. De toute façon, le cardio. Le cardio, tout le monde aime le cardio. Qui aime le cardio ici? Ah non, non, c'est. Ah non. Pas de hein, pas vraiment. Bah, hétérophilie, hein, sport anaérobie. Anaérobie? Anaérobie. C'est quoi l'anaérobie? On n'utilise pas l'oxygène. Ah, donc vous arrêtez de respirer en fait? Bah, c'est un peu ça quoi. Ah bon? En fait, c'est. Tu respires non, pas alors du coup. Non mais. C'est le remarque et du coup. Bah, non en fait. Non mais tu vois le mouvement il dure quelques secondes et pendant ces quelques secondes tu sais avant de prendre l'impulsion on va arrêter, on va couper la respiration tu vois. Alors rupture d'anévrisme. Exact. Oui c'est bien ce que ça parce que pourquoi faire ça en fait mais tu vas mourir non un jour. Non mais c'est pour se gainer en fait. Tu sais, par exemple, entre l'épaulé et le jeté, on va inspirer, on va bloquer la respiration et ensuite on va jeter. D'accord, donc il y a vraiment plusieurs étapes à bien respecter. Ah ouais, ouais, clairement. Okay. Ouais. Quand on sport remonte... à haut risque, on peut dire. Ouais, ouais, bah clairement. Ouais. Bah derrière ma blague, justement, se cachait une question. Comment est-ce qu'on vous forme à tous ces trucs de danger, rupture d'anévrisme, déchirure musculaire, les trucs comme ça? Parce que nous, on est un peu des gars qui allons à la muscu en mode hey, on pousse et on mange et on dort, tu vois. Donc, voilà. Mais quand on est dans ton cercle, comment est-ce qu'on vous apprend ça, genre? Parce que toi, t'as un coach, en fait, un entraîneur et tout, tu vois. Oui, c'est quand même, bah, mon père d'ailleurs. Oh, c'est vrai? La famille? Ouais. Ouais, elle lui a fait un petit truc. C'est pour ça que je suis. C'est de bonhomme. Elle est plus bonhomme que son père, la fille. Papa, je ferai à manger après. Ouais, je pense pas qu'il tombera sur le podcast. Mais... C'est vrai? Pourquoi? Parce qu'il est sourd et aveugle, en fait. Donc et d'ailleurs, papa, range ta chambre. Ouais. Du attention, coup, tiens-toi faire, bien. Les signes, là. Les signes? Quels signes? Ah, le langage des signes. Ouais. Les signes. Le truc avec les mains, c'est vendredi soir, c'est dur. Non, mais du coup, ouais, comment vous apprend ça? Bah, on est formé d'abord sur la technique, tu vois, vraiment garder un dos droit, ça, c'est être important. Gainé. Ouais, ouais. Surtout, bah, sinon, on se nique le dos, concrètement. C'est quoi? C'est plus la partie lombaire, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Après, on a pas mal de renforts aussi, des bras, des cuisses, tout ça, pour être solide sous la barre. Mmh. Et après, c'est à partir de ce moment-là, dès qu'on a acquéri une assez correcte technique. Est-ce qu'on a acquéri une assez correcte technique, mais est-ce qu'on a acquis le français aussi? Nope. Non. Hein. Ah, c'est acquis. En vrai, je suis on est vendredi soir, je fais c'est dur. On fait tout le temps cette faute aussi. Ouais, c'est vrai. Putain, ah, on dit. Moi, il m'a pas choqué quand elle a dit. Mais parce que, t'as vu, ça fait partie des trucs style il a candidaté, tu vois. Ouais. Genre, c'est rentré dans le vocabulaire. C'est alors ça. Qu'en fait, c'est une faute. Ça marche pas. Mais voilà. Si j'aurais su, j'aurais pas fait la faute. C'est à qui la faute? Je déteste. Qui est-ce qui? Du coup, ouais. Qu'est-ce qu'on disait? Justement, comment on forme à tout ça, parce qu'il y a un principe théorique, donc avec tout ce qui est dos et tout ça. Ouais. Et après, est-ce que par exemple, quand vous faites les exercices, il vous accompagne physiquement, tu vois, genre il va te dire là, redresse le dos, machin et tout? Bah, ça dépend après du coach que t'as. Hein. Ah ouais? Parce que il y a des, oui, bah, des laxistes. Il y en a, ils vont te faire tirer comme un bourrin dès le début et sur des charges terribles. Ouais, voilà, qui vont concrètement te niquer, quoi. C'est quoi le record du monde d'haltérophilie? Alors, c'est pas franchement, ça doit être 500 kilos, plus non 600 3... Non, plus de 300. Ah, moi j'aurais dit 200. 500, ça va. Moi j'aime. Ouais, 500. T'es conscient? Est-ce que t'es conscient? Moi j'aurais dit 6000. Deux voitures. Deux voitures sur une main. Une voiture par truc là. Lequel? Par truc. Par calandre peut-être, non? Non, j'avoue, ouais. Je sais pas, mais. Ok. Ça doit être dans ces environs-là. Et quel est ton record personnel? À l'arraché, c'est 63 et 83 à l'épaule jetée. Alors j'ai. Je dois avouer que j'ai aucune idée de si c'est bien ou pas. Ça représente. Mais en tout mais cas, moins moi, de 49 kilos. Ne soulevant pas ça, ça me paraît beaucoup finalement. Moi, juste le fait de devoir soulever les. Y a, à la salle, il y a poids. Des poids de 50 kilos là. Non, bah, on moi, pas, je les soulève pas du tout en fait. Bah, nous, ça s'arrête à 25. On n'a pas des poids de 50. Ah ouais, ouais. Non. Mais là, ah oui, tu parles des poids en cercle comme ça. Ouais, oui, moi je parlais des haltères. Des haltères, ah ouais. Oui, ok, des haltères. Ouais. Puisqu'il y a un mot pour tout, hein, Vincent. Donc... C'est vrai. Ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais envie de parler d'autre chose, sauf si vous voulez parler de quelque chose en particulier. Bah, je sais pas, toi, t'as peut-être une anecdote sur le sport. Écoute, j'ai écrit cardio de points je déteste. Ah oui. Donc, si vous avez envie de débattre là-dessus. Ah ben... Alors, comment dire que le cardio, bah, c'est la non, mais c'est chose, terrible. Ouais. En vrai, le cardio, c'est terrible. Genre. Ouais. Je suis très content d'en avoir fait au lycée. Ah, pas moi. Mais, ah ouais. Dernière du cross du lycée, RPZ. Ah ouais, non, mais attends. Le cross. Chaud. Est-ce qu'on parle non. du cross? Non, le cross. Moi, je me souviens. Alors, j'ai deux anecdotes sur le cross. Je sais pas si vous en avez aussi. Moi, j'en ai. Okay. J'en ai une. Bah, écoute, j'en fais une. Vas-y. Tu fais en alterne. Vas-y. J'ai fait un score terrible à tel point que j'avais. Ils t'ont viré. J'avais mon prof de musique. Ils ont fait. Non, là, franchement, c'est. Vous êtes arrivé après le cross de l'année dernière. En fait, donc, le gars, il arrive un an après et tout. Il y a personne. Non, bref. Et en fait, j'ai fait un score tellement mauvais que j'étais dans les derniers. Et c'est le prof de musique qui a eu pitié. Il a eu tep. Il a tep pour moi. Il a fait un peu d'accélération sur ma carte, ça devrait faire partir. Il s'est dit que ça irait bien avec les instruments de musique. Exactement. D'ailleurs, est-ce qu'on parle de la musique? Non. Mais il a fait allez Quentin, ouais machin et tout. Mais tu sais, tu voyais dans le regard en mode franchement miskine, mais vas-y, fais ce que tu peux, tu vois. Mais ça a eu le mérite de me booster et je devais être dans les derniers et on était je sais plus combien et je suis arrivé quand même au final 65e. Et j'aurais dû arriver 64e, mais il y a un bâtard dont j'ai oublié le nom, mais je te retrouverai. Je te retrouverai. Il est passé devant moi au dernier moment, il a fait c'est le jeu. Et mec, je m'en souviendrai toute ma vie, genre. Et comme j'étais un gros fragile de merde, j'ai fait ah ouais. Ah ouais, bah d'accord. Ok, d'accord. Mais voilà. Mais comme quoi les profs de musique servent à quelque chose finalement, de temps en temps. Bah franchement, merci, merci monsieur Wendling. Voilà, je drop son nom. Si, bah c'est le nom d'une de mes ex. C'est vrai? Ouais. Bah c'était ton prof. Mon prof, c'était ton ex d'ailleurs. Donc, quoi? Ouais. Je tiens à te l'apprendre. Bah ça fait bizarre. De l'apprendre comme ça. Hein. Ouais, surtout que c'était un truc qui se passait au lycée, donc... Voilà. Mais bon, du coup, voilà. J'ai cramé mes deux anecdotes. Tu peux dire la tienne, du coup. Ok. Moi, bah déjà, le cross, je détestais ça, vraiment. Oula, attention. C'était vraiment... Oula, attention. Attention. Hein. Oula. Oula. C'était, pour moi, le pire moment dans l'année. Vraiment, à la rentrée, je me disais, oh non, il y a le cross dans 2 mois, un truc comme ça. Et c'était horrible pour moi. Déjà, il fallait faire juste 3,5 km, je crois. En plus, c'est pas énorme. Mais moi, ouais. En vrai, moi, c'est beaucoup. Hein. C'était insurmontable pour moi. Bah, pour des adolescents et tout, parce qu'en vrai, les cours de cross et tout qu'on avait... parce que je pense que c'était dans un gymnase ou autour d'un gymnase comme vous, non? Ouais, ouais, c'est ça. On se retrouve après la pause. Pause de pub. Ouais, vous aurez mon anecdote. Pause de pub, non, pause de coupure. Marie, elle a toujours un petit ton. On sait jamais si... J'ai dit, on s'amuse, elle fait « Ouais, c'est vrai. » Je sais même pas si c'est, ouais, ouais, si c'est le second degré. En vrai, tu devrais faire espionne, je te jure. C'est quoi les codes? C'est le 3, le 6, le 9 et le 9 complémentaire. C'est les vrais codes? Ah non, je sais pas si elle m'a dit la vérité. C'est les vrais codes? Ouais, ouais. Franchement, tu les rendrais dingue, tu vois. La meuf la moins expressive du monde. Non, mais je sais. Mais c'est bien, tu vois, tu restes sur tes appuis. Faut être solide, tu l'as dit. C'est toi-même. Ça. Waouh. Wow. Impressionnant. Elle bombe le torse et je dois avouer que je me sens un petit peu mal à l'aise. Bah, car, en deçà. Car elle est plus musclée que moi. Du coup, tu disais quoi? Ouais, moi je disais que ouais, c'était pour moi la pire période de l'année. Et je finissais pas dans les derniers, mais je finissais. J'étais moyen moins, quoi. Mais par contre, tous mes potes, eux, étaient beaucoup plus loin que moi, donc ça me saoulait. C'est vrai? Ouais, ça me saoulait énormément. Le nul. Le nul. Et lui, au moins, il n'est pas arrivé dernier. Hein. Bah, moi, exact. Non plus. Bah, moi aussi. Ouais. Ah, c'est vrai? Mais oui. Oh. La nulle. Ah, ouais, oh. Ah, toujours excellent, bah, sauf au cross, ouais, mon pote. Ah, attention. Hein. Sauf au cardio. Ouais, on peut pas te jeter la pierre. Mais vous étiez combien, vous, mal, au en fait, cross? En fait, le cross, on l'a passé quand j'étais au Krebs avec Aix-en-Provence et ils nous faisaient. Krebs. Franchement, c'est des enculés. Oh, ils ont... Le mot est lâché. Ah, franchement. Et le vocabulaire. Ils aussi. Ont fait un cross spécial sportif et un cross spécial reste du lycée. Genre, les spécial moldus, tu vois. Grosse merde. Les moldus. Spécial limace. C'est un peu bâtard parce que si t'es pas chez les sportifs, tu sais que Miskin un peu déjà, tu vois. Déjà, en plus, t'arrives dernier du truc, là. Ta vie, elle est finie, mon pote. T'es nul, en fait. Juste, même t'arrives premier des nulos, t'es là, bon. Tu sais, ils te regardent, ils disent dégage. Tu passes la ligne d'arrivée, ils disent dégage. Rentre chez toi. Y a pas mais du coup. Bah, des du derniers. Coup, ouais, je commence. Je suis. Ouais, mais enfin, des sportifs pas forcément du haut niveau, mais ceux qui étaient aussi à l'UNSS au lycée, tout ça. Ah, l'UNSS. Et du coup, ouais, je commence. Je suis au milieu. Très vite, j'arrive dernière. Hein. Au bout d'un très moment, vite. Je vois même plus les gens devant moi. Sans déconner. Hein. En fait, t'as les signes, t'as fait le tour de la et France. En fait, tu marchais. J'étais. Ouais, non, laisse tomber. Et j'arrive au truc. Les autres, ils avaient déjà commencé, quoi, après moi. Hein. Ah, donc toi aussi, ceux de l'année prochaine, ils ouais, étaient. Ouais, ouais. Ah, ouais. C'est ça. Je même donc, combat. Franchement, la honte, quoi. Mais bon. Bah, mais bon, aujourd'hui, tu les as tous, Ken. On peut ouais, le dire. Ouais, c'est ça. Tu enfin, les prends si... tous à l'haltérophilie, en tout cas. Alors. Et je vous prends tous, ouais. Waouh. Je suis. Wow. Après, c'est pas sexuellement parlant, hein. Non. Ah, moi, ça. Ouais, en même temps, je suis un peu. Ah, oui et non, tu vois, il y a un truc. Ah, il y a un peu de. Ouais. T'es pas trop baron. Non, pas trop. C'est pas tellement mon délire, tu vois. Ouais. Je suis plus, par exemple, step, golf, step. ultimate. Oh là là, step. Golf, ça a l'air trop bien. Jamais testé. Bah, en fait, le golf, c'est vraiment un truc. Soit t'es riche, soit t'es vieux. Soit ouais, t'es riche et vieux, clair. En fait. Mais je connais aucun jeune qui joue vraiment au golf et qui se dit j'adore le golf. Je suis allé faire du foot golf avec mon frère. Parce que mon frère est secrétaire d'une association de. Est-ce qu'on peut rigoler le foot golf quand même, genre. Écoute, franchement, c'est pas mal. Oui. Je mais pas que ça existait. Bah moi non voilà. Plus avant qu'il soit dans cette association. Mais bref, il y a vraiment une différence entre ceux qui font du foot golf et ceux qui font du golf. dans le sport, en fait, le type de personnalité. C'est-à-dire que... Bah, t'as les beaufs du foot qui font du golf, quoi. Exactement. Le sport raffiné du... Alors que les golfeurs, vraiment, ils sont là... Bah, il y a un truc polo raffiné, et tout, bien habillé. Excusez-moi, vous utilisez quel club aujourd'hui? Parce qu'avec le vent, ça va pas le faire. S'en va les couilles, tape dans la balle, en fait. Il y a plein de maisons ultra stylées juste à côté du golf qui ont vu sur le golf un grand balcon et tout avec... Enfin, bref. Et merde, je sais plus où je voulais en venir, mais j'ai toujours pas raconté mon anecdote. En tout cas, ça a l'air pas cool dans le foot golf, puisque tu t'en souviens. Later. Non, franchement, c'est... mais pour mon anecdote du cross, c'était oui. que j'arrivais voilà, dans les moyens. C'est et là, il y a un mec pas populaire du tout. Pas pop. Pas pop. Très peu pop. Pas pop du tout. Est-ce qu'il est papa aujourd'hui au moins? Il est pas papa. Step. Merci. Non. Non. ouais, du coup, ce mec pas populaire et un peu bien en chair et tout, je le vois qui passe devant moi. Ok. Miskin. Je me dis, non, quand même, ma fierté et tout, et il passe devant moi, ça fait chier. Mais j'étais trop fatigué, grossophobe, donc j'ai... grossophobe. Mais non, mais je le vois. Moi, j'étais une brindille. Je me frayais un chemin à travers le vent. Vraiment, si j'avais le vent avec moi, ouais. j'allais à 100% plus vite. Quoi. Et donc, tu es arrivé premier, du coup, alors. Hein ? Tu es arrivé premier, du coup. Non, non. Ah, bon. Pas du tout. Gros alors, Mélissandre... Et bref, Mélissandre passe devant moi. Et hein ? tu connais pas Mélissandre ? Non. Mais c'est je buvais même... Ah, il a raté... Excusez-moi, les Jones. Eh, vous êtes des twittos sphères ou quoi ? Attends, mais je pourrais jamais raconter mon truc. FS de bouc, hein. Allez. On se fait un petit Snapchat. Excellent, attends, mais super. T'as 70 ans. J'ai 70 ans. Attends, je vais faire une photo comme ça. Ah non, comment on l'utilise un ordinateur? Snap comme Gilou. T'as appelé ce portable un ordinateur. J'ai 70 ans. Et du coup, il passe devant moi et je me dis non, je peux pas le laisser passer devant moi quand car même. Car tu es grossophobe. Parce que je suis très maigre à cette époque. Donc je me dis, je suis plus léger, je peux aller plus vite et tout. Mais la fatigue reprend le dessus, donc je le laisse s'éloigner un peu. Mais, enfin, s'éloigner de 5 mètres. Et là, il tombe. Il se prend une branche d'arbre, il tombe. Bam. Et tu passes à côté de lui, tu as fait un gros chè. C'est vrai? Non, mais par contre, tu vraiment passé à côté de lui au lieu de l'aider, alors que le cross, ça n'a aucune incidence, aucune importance. Et je lui ai vraiment passé genre... en me disant, yes, j'ai une gagné place une place. De plus. Ce qui t'a fait arriver avant dernier finalement. Donc worth it d'avoir laissé mourir quelqu'un. Exactement. Superbe. Toujours excellent hein, ce podcast où on avoue des crimes et des de la lâcheté. Ça m'a fait mal de l'avouer, mais j'étais pas si sain que ça. À chacun pour sa gueule. Hein. Ouais, non mais c'est vrai. D'ailleurs, l'esprit de compétition. Alors, à haut niveau, what's going on? De compétition à haut niveau, ben chacun pour sa gueule, hein, comme je dis. Vous êtes plusieurs dans la team? Dans la team, tu parles équipe de France ou dans le club? Alors, les deux, parce que je m'y connais très peu. Dans le club, en fait, on peut avoir des compètes par équipe aussi. Ok. Donc là, chez les filles, c'est des équipes de 4 et chez les mecs, c'est des équipes de 5. Et du coup, vous êtes tous les uns contre les autres? Non. Ah. En fait, c'est chaque équipe contre une autre équipe de France. Ok. Contre un autre club en France, quoi. Style Schildigam, par exemple. Il n'y a pas de club là, mais plus proche que Nixophone, mais ils n'ont pas de meufs, donc... C'est vrai, ils n'ont que des mecs. Non, ouais, clairement. Ah, les bonhommes de Nixophone, on les connaît. Hein. Bah oui. Ouais. Et chez nous, ouais, bah, du coup, là, on évolue dans le top 9 France. Ce qui est bien ou pas? Ouais, c'est le plus haut niveau à équipe, enfin par équipe. Bah propre, et ça fait chez plaisir. Les mecs, ils sont un niveau en dessous, en N1. Ils sont quoi? Ils sont 8 ou 10 alors? Ils sont... Alors, avec le classement, je crois qu'ils sont dans le top 5, un truc du genre, de la N1. Tout de même. Bah, félicitations à vous tous, bien sûr. Bien joué. Donc, voilà. Des choses dont on serait incapable. C'est vrai. Okay. Moi, déjà, j'ai du mal à soulever mon chat. Donc... En même temps, il pèse 56 kilos. Ouais, c'est vrai. Je voulais pas t'en parler, il est peut-être temps de faire une intervention, mais... je serais toi, pour son bien-être, je le suiciderais. Quand je le... Quoi? Quand je le vois, je vois le mec qui m'a dépassé au cross, quoi, direct. Bah, il te met à l'amende. C'est vrai. Ton appartement, mais c'est chez lui, par contre. Hein. Oui, il est pas gros. Bah là. Il est quoi ? Il est pas gros. Non, il est pas si gros. Il est pas gros. Il est bien portant. Ah, il est. Non, il est douillet. Il est douillet. Il est douillet. Non, tu l'as. Il a un petit bidon. Grosse folle. Mais tu, toi, tu peux le porter. Moi, je le soulève. Mais bien sûr, évidemment. Mais quand vous nous voyez regarder en haut là comme ça, c'est parce qu'on le regarde, parce que lui. Franchement, il me lâche un regard. Il a vraiment pas l'air fin. Mais en fait, il est sur une position qui domine toute la pièce. Il est le plus. Là, il domine. Bah, regarde-le. Là, il est en train de. Là, il a. Miskin d'être dominé par quelqu'un comme ça. Hein, parce que, enfin, une chose comme quelqu'un. Ça. Mais non, mais il a l'impression de dominer, évidemment. Ouais, bien sûr. Moi, je lui mets la misère. Ouais, non, il ne domine pas du tout, toi. Non. C'est toi qui portes la culotte dans le coup. Je lui mets la misère. Bien sûr. Mais ne parle pas trop fort. Pour les voisins ou le chat ? On va continuer les anecdotes. Allez. Du coup, je vais laisser Marie respirer, prendre une petite pause où je suis en arrière. Ça va mieux, là, comme ça, hein, tout de suite. Ouais. Nice. Bah écoute, je profite un peu de ta chaise. Et là, on est bien. Est-ce qu'on est toujours excellent ? On est toujours excellent. Hein. Qu'est-ce que t'as dit, Marie ? J'ai dit tant que c'est que la chaise, ça va. Qu'est-ce que j'ai dit ? Tant que je profite de la chaise. Pardon. Mais... pardon, hein. Le malaise. Moi, j'avais une petite anecdote. Oui. Par rapport au... Déjà, est-ce que vous avez fait d'autres sports que la muscu et l'haltérophilie avant ? Toi, t'as fait quoi, Quentin ? J'ai fait... Quentin ! Le sport de chambre... Quentin, qu'est-ce que t'as fait ? Oui. Le sport de chambre ne compte toujours pas. Hein. Ouais. Ça, c'est pas dans le... Ah, parce que là, je suis quand même champion du monde. Donc, ah ouais. Non, mais plus sérieusement... Je croyais que t'étais... Ouais, enfin, champion du monde de la virginité, quoi. D'accord. Donc, très... D'ailleurs... Évidemment. Après, t'es pas obligé d'en parler, mais... Non, mais après, je... Voilà, bon... Bah tiens, ton chat est en train de se faire un cuni. Hein. Il se fait un cuni. Un anulingus, plutôt. Un cuni. Ah oui, cul. C'est vrai. C'est... Même excusez-moi. Moi qui suis vierge, quand même, je ferai pas cette erreur, là. Qu'est-ce que t'as fait comme sport ? J'ai fait un peu de hand, j'ai fait un peu de basket, j'ai quoi fait du foot, je me suis fait virer. J'ai fait. Bah vas-y, raconte ça. Raconte pourquoi t'as été viré. Alors non, on est parti d'un commun accord. Du ouais, fait ouais. Que moi je ne me plaisais pas. Non, c'est faux. Et je ne leur plaisais pas. Donc on s'est mis sur un commun accord, ils m'ont dit pars, j'ai dit je pars. Vous ne me virez pas, c'est moi qui pars. Non, mais sérieusement, effectivement, en fait, je me souviens, en fait, ça m'avait saoulé le foot. J'étais très bon en... En fait, en sport de cardio, je suis extrêmement bon en vitesse de pointe, genre, mais par contre, j'ai une endurance de zéro. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, c'est un chat qui se lèche le huc. Faut être patient, vous. Il se lèche la queue, oui, bah écoute, le plaisir ne s'arrête jamais. Non, mais voilà, et effectivement... le foot, ça m'avait assez vite saoulé parce que je suis très fort en vitesse, mais j'ai aucune endurance. C'est-à-dire que vraiment, je cours super vite, mais c'est terminé, comme Oli quoi. Et du coup, wow. Il m'avait mis en défense et au goal. Et j'aimais bien être au goal, tu vois. Je trouvais ça intéressant d'avoir ce pouvoir de. Ok, là, je suis face à la performance, je dois l'arrêter, tu vois. Et c'est aussi d'être le seul à pouvoir prendre les mains. Exact. Exact. Il y a un petit côté hors la loi, tu vois. mais dans la loi, quelque part. Donc, je n'ai aucun sens. Bref, et du coup, au bout d'un moment, il m'avait mis attaquant quand même pour essayer un petit peu. Et comme j'en avais ras le cul de ce sport, je voulais partir et tout, au bout d'un moment, la balle est arrivée vers moi et j'ai sauté comme ça de mon plus beau saut pour la taper avec les mains. Et ça a signé, après, ça a signé pas mon passage en Ligue 1, mais mon passage en rien, chômage. Exactement, ils m'ont dit « Félicitations, tu es viré ». Non, mais en vrai, ils m'ont pas dit ça, mais clairement, ils ont compris que ça me plaisait pas. Et ils ont dit « Bon, bah, ça te plaît pas ». J'ai dit « Bah oui, en fait, donc, je vais partir ». Et du coup, j'avais acheté tout l'équipement pour rien, bref. Le basket, c'était très cool, mais même chose, les jeux vidéo sont arrivés dans ma vie, donc bah, pas de chance. Le hand, j'avais fait ça avec l'URSS, j'ai fait ça dans un camp soviétique, c'était dur. Ah, là, c'est dur. Pour ça le col roulé ouais. L'UNSS, ouais, non, ça c'est le style, Vincent, mais je t'apprends. Ah, pardon. Quoi ? Toi qui mets toujours des t-shirts. Alors, non. Effectivement, j'avais fait ça pour l'UNSS, qui veut dire quoi déjà ? L'Union alors là. Nationale du sport soviétique. Voilà. non, mais je sais plus de quoi en parler, mais effectivement... Handball. De handball, ouais. Et en fait, bon, en gros, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les horaires, machin et tout. Donc au final, je me suis dit, bon, bah... Nikomouk. Je pas. Voilà, exactement, je suis parti. Nikomouk. J'ai fait du judo aussi, et j'ai eu ma ceinture jaune et blanche, je crois. Oh, bah c'est... Attends. Non, c'est la... pas jaune-orangé. C'est... Je crois que c'est la première. Ou c'est la deuxième, je sais première, plus. Je crois que c'est blanche, si fait... et après, c'est jaune-blanche. Du bas ou du haut? Non, je suis ceinture noire, je le rappelle. Wow. Mais seulement sur mes jeans, hein. Il n'y a pas de a... pas, au, pas au judo. Mais non, effectivement, je crois que j'ai fait un an. Je crois que j'ai fait un an. Je me j'ai pas le souvenir d'avoir fait deux ans de judo, bref. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de sport et malheureusement, j'aurais aimé faire plus de sport co parce que je trouve que c'est vraiment un truc cool, notamment ouais. Et pour en plus, la... ça fait délire avec des gens. Ça fait délirer. Ça fait délire. Ah, avec okay. Des gens, genre, trop délire, genre, trop délire, trop délire le sport. Top délire, méga. C'est hyper drôle. Sacré lien dans les vestiaires aussi. Waouh, wow, c'est vrai, Vincent. Toi qui m'en as dit de belles sur les vestiaires du foot. Oui, hein, alors voilà, je cette crois transition. Qu'il on se défile la lâcheté, là. Là. Hein non, mais c'est juste qu'à l'époque où je faisais du foot, je voyais 15 tubs par semaine, finalement. Oh, tu faisais pas que les voir. Hein. Attends, quoi? J'ai des conversations. Il y avait beaucoup de blagues du je genre... Je vais te faire tomber. Mon savon, il est tombé, là. Tu peux ramasser. Waouh, quelle blague. Toujours excellent. Voilà, c'est... Toujours excellent. C'est le foot, voilà. C'est beauf, on aime, on n'aime pas. C'est vrai que c'est... Je pense que c'est pas le sport le plus beauf, si, en vrai. Si, je pense. En vrai, un bon foot pizza-bière. Forcément, directement. Et toi, est-ce que t'as des anecdotes par rapport à... Est-ce que t'as fait beaucoup de sport, déjà? Et est-ce que t'as des anecdotes par rapport à ça? De beauf, notamment. De beauf. Car on le rappelle, ça tape un max. Hashtag compétition. Compétition. L'image maintenant que je vois. La grosse péteuse de sa mort. Écoute, mais on n'est pas sur ce podcast. En vrai, c'est sûr. Quand tu vois le truc, c'est pas possible. Tu peux pas retenir. C'est impossible. Oui. Tu vois. Mais après, on le fait pas tout le temps non plus. Hein. On n'est pas sur ce podcast pour pécho. Sinon, je serais déjà. Un homme à femme. Ah bon, ça marche pas pour toi? Quoi? Comment ça? Non. Du coup, effectivement, le sport. Non, bah, j'avais essayé... Alors, le sport. Alors... le bon journaliste. Alors, le sport. Le sport. Bah, vous êtes sportif, non? Parlez-moi. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le sport? Non, j'avais fait un peu de gymnastique quand j'étais plus petite. De la GR? Non, pas rythmique. Ah. Artistique. Ok. Et ouais, non, ça me plaisait au début, mais après... Tu sais, c'est la gym, c'est très strict, c'est très ils obligent, tu vois. Mmh. Et moi, elle voulait me mettre à la compète et tout parce que j'étais. Dans quel sens, tout ce qui est position et tout? Ouais, bah rien que les grands écarts. Ça semblait super dur. Ils nous tournaient le bassin, tu sais, pour qu'on soit droite. Enfin, ça faisait tellement mal. Ah. Moi, je voulais juste faire ça pour comme un loisir, tu vois, juste pour me faire plaisir. Et elle voulait direct me mettre trop, à des compètes, me mettre avec des filles plus grandes que moi. Je voulais pas. Bah, je me rappelle la fois où vous avez fait une compète contre des femmes qui avaient 27 ans. Bon, là, je me suis dit, c'est quand même assez mal parti. Pour des mais, filles de 9 bon, ans. Bon, vous avez quand même gagné cette compétition, ouais. Je sois cela dit. Donc, super performance. Attends, tu parles de quoi, là? J'ai pas tout dit. Il invente. C'est une blague, en fait. Mais, ah, putain, merde. Mais j'arrête. Bon, bah, franchement, j'arrête, je pense qu'on peut arrêter le podcast là-dessus. Ouais. Vendredi soir, toujours fatigué. Non, mais par contre, je voulais vraiment dire un truc. Oui, je suis allé tourner avec Youssoupha. Voilà, je crois que je ne l'ai attends, pas encore dit. T'es encore non, mais attends. En train de... D'accord. Non, mais merci. On peut applaudir ça. Merci. Non, mais en vrai, c'était vraiment cool. Et le gars est absolument adorable. D'ailleurs, il a commencé à poster les photos qu'on a faites ensemble. Donc, n'hésitez pas à aller sur son Instagram. C'est Youssoupha Musique. On parle bien du rappeur ultra oui, connu. Oui, le pilier du rap français, bien sûr. La Mafia, Kain Free, tout ça, on connaît. Hein. Kerry James, hashtag rap, en fait. non, mais effectivement, voilà. Et quand j'attendais, parce qu'on était à l'Opéra de Strasbourg, j'ai vu plein de filles aller à leur cours de danse et du coup j'ai un peu discuté avec eux et ça a l'air ultra dur. Genre, je connais quelques. J'avais une ex qui était. Enfin, j'avais une ex. On s'est juste embrassé, ça va. Ouais, rien de. Est-ce qu'on va me faire un procès? Faites-moi un procès. Rien de sexuel. Non, absolument rien. Et ça a l'air vraiment, vraiment super dur. Je sais pas si t'as une expérience là-dedans, peut-être par rapport à tout ce qui est étirement, ce genre de choses, échauffement. Bah, pour l'élasticité, je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air super dur. Très strict, ce que ouais. Tu disais. Ouais. Voilà, moi, j'aimais pas ce côté-là. Ok. Moi, j'ai un truc. Ah J'ai un truc par rapport au fait que. Entre les jambes, ça s'appelle une tape. Ah, c'est ça. Oui, je te l'ai dit. Ah ouais, je te lance. Non, mais parce que je me disais, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est... Je pensais que j'étais le seul, voilà. Je suis pas le seul. Exactement. Genre toi aussi. Ah ah ah. Mais bref. Non, j'ai quelque chose qui va peut-être vous étonner, j'ai fait du karaté. Waouh! Ouais. Wow, ouais, tout ce qui est Oitsuki, Maigeri, Mawashigeri, je maîtrise. C'est de là que vient ton extraordinaire maîtrise de la self-défense. Ah, mais moi je te mets par terre quand je veux. Bah, on voit les, ça. Les chabites, tout ça. Les chabites, qui est une pose du karaté d'ailleurs. Oui. Chabites! Franchement, ça sonne un peu quelque part. Ouais, ça pourrait le faire. Mais ouais, en fait. Je me souviens que j'en faisais au collège et disons que personne au collège, j'avais peu de street cred au collège vraiment. Exact. Et personne ne pouvait deviner que je faisais ce sport-là. Et j'essayais d'en jouer un peu, genre en mode pour avoir de la street cred. Ouais. Genre. Hey, fais gaffe, je suis du karaté, ok. Exactement, dans ce genre de situation. Sauf qu'en pleurant, c'est tout de suite moins convaincant. Je fais du karaté! Et j'ai des lunettes. Me frappez pas, s'il vous plaît. Ça finissait souvent par s'il vous plaît. Toujours dans le respect. Tu sais. Ah bah, il faut respecter les gens. Yeah. Eux, ils me disaient « Nique ta mère ». Et moi, je disais « Ok ». Genre, on parlait comme ça dans ton collège de vie sans boule. Non, on disait « Attention, tu vas te faire mal voilà. Quand je vais te taper. Mais... » Si je te tape, d'ailleurs, excuse-moi. Bah, c'est la lutte des classes. Je t'ai tapé. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et ouais, bah, dès qu'on me demandait tu fais quel sport, je disais je fais du karaté. Et tu sais, ah ouais, tu t'es quelle ceinture? Ouais, je suis encore blanche, mais on travaille. Les, hein. Les ligaments croisés. Les ligaments croisés, toujours. Toujours. Les ligaments. Mais ouais, et finalement, j'ai fini ceinture jaune-orangée. Aucune idée de. C'est, bah, il y a blanc. En combien d'années en fait? Dis juste en un an. Non, moi j'ai dit blanche et jaune. En un an. En gros, un gars en pyjama qui s'est pissé dessus, quoi. Il n'y a pas de. Voilà. J'ai fait un an. Oh, nice. Attends, mais moi, non, moi j'ai fait. Oh, nice. Parce que j'ai une carrière de rappeur aussi depuis 40 ans, mais. non, enfin, 20 ans plutôt. Parce que sinon, ça veut dire qu'il a commencé à 2 ans, Booba, mais bref. Et j'ai arrêté au cours de la deuxième année. Ok, d'accord. Ouais. Au cours, ouais. En plein milieu, t'as dit non, ça suffit, je raccroche les tatamis. Non, mais ça me saoulait trop d'y aller. D'être trop fort. J'aimais pas. Ouais. Je rétamais le prof. J'en ai marre de tout éclater là. Allez, j'arrête. Le prof, trop humble. Je vais me battre dans la rue avec des punks à chiens, ça sera beaucoup plus instructif. Non, mais en plus. Et t'as inventé Street Fighter. En plus, ouais. J'avais du mal à voir. En fait, j'avais vraiment beaucoup de mal à voir comment ça pouvait me servir. En termes de self-défense, parce que je me voyais pas faire attends, en face d'un mec avec un couteau. Mmh. Ah comme ça, donc voilà, c'était... Bah, ça peut lui faire peur, ça, déjà. Ouais. Probablement, j'agresse un gars comme ça, je dis, il est malade, je pars. J'aurais trop peur. Hein. Mais t'es pas net, toi. Et ma mère en faisait aussi, en même temps que moi. Baptiste, ouais. Attends, c'est la soirée des mèmes ou quoi? Attends, internet, ouais. Hashtag internet, j'ai envie de dire. Ah voilà, clairement. Ça tweet hein, à balle, ouais, réel. Merci, j'ai pas réussi à parler français en fait, qui est un langage que je parle depuis 23 ans quand même. Mais, hein. Ça va. Mais ouais, ma mère en faisait avec moi. De quoi? Du karaté? Du karaté. Ma mère faisait du karaté. J'ai cru qu'elle te et du coup, ouais, quand je disais aux gens du collège, ouais, je fais ça du karaté, et je disais juste après, ma mère en fait aussi. On se moquait de moi, voilà. L'enfer? Ouais. L'enfer. Est-ce que l'enfer c'est les autres, Vincent? Bah seulement si c'est un roman. Seulement si quoi? Seulement si c'est un roman. Ah, de? Ah, Jean-Paul Sartre ou Sand, Georges Sand. C'est ça? Un des deux? C'est je crois que c'est MacGyver. Non, par contre d'ailleurs, je tiens à faire un mea culpa. Waouh. J'ai dit que Ma liberté était un poème de Jacques Prévert, et non, c'est un poème de Paul Éluard. Voilà, donc je tenais à faire cette précision pour tous nos amis, amis culturés qui nous écoutent. Moi, on me l'a fait remarquer. Merci plusieurs fois. Il est 19h, bienvenue sur France Inter. Nous allons donc passer aujourd'hui à la manifestation, l'énième manifestation des Gilets jaunes qui a eu lieu aujourd'hui. Gilets jaunes. Oui, bonjour, on est avec une gilet jaune, comment ça se passe sur l'Europoint? Quelles sont vos revendications sur l'Europoint? À vous. Vous pouvez parler, hein. Madame, vous êtes en état de mort cérébrale. Ça va? C'est comme avant, je vais appeler le. Attends, c'est bon, John, on a les gros titres pour demain, les gilets jaunes, tous des morts cérébraux. Nickel, parfois. Ça y est, on les a décrédibilisés, là. Mais je vais appeler ton propriétaire pour qu'il monsieur Goriac, les urgences, ouais. Le running gag, exact. Il est fait. Spider-Man, ouais. Peut-être aussi. Spider-Man. Voilà, comme ça, c'est fait. Je pense à il y a 6 ans. Super, ça s'est fait aussi. Ça s'est fait. Attends, je suis. Le meilleur podcast de l'univers. Voilà, ah non, on l'avait déjà aussi. Fait. Je suis éleveur de chats en Patagonie. Ça s'est inventé fait. Des métiers. Ça s'est fait aussi, du coup. C'est bon, on a fait tout le running gag. Ouais, parfait. Bah, on peut s'arrêter. Prenez soin de vous. C'est bien. À la prochaine. C'est le plus important. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Thank you.